quand vous le charclez, mon corazon pour voir ses plata. Mais de la richesse, c'est nous les autres. Ça fait des années qu'on a pris des chemins salés. Bébé, je suis solide, regarde mes balafres. Je suis la femme qui a pris de balles, jamais je canne. Ami, je connais ça comme animal. Elle est dans ma folie, mais pour toi, y'a que du feeling. On m'a dit, vas-y, pour lui porter Yoko comme un pélo. L'amour est orphelin. Et la mort au fêlé, sentiment dans la valise et tout, et c'est qu'elle te follow. C'est pas parce que je n'ai pas de yuku que je peux pas poser ma paire. Même poids, même balafre à la descente. Je serai toujours fier de mon père. Je suis pas la plus personne, solo dans mon histoire. On dit que j'ai un jazz, que j'ai charisme à la royale. Rabat à mon inspi, déborde de petit peu. Je regarde plus le passé, la jalousie est banale. À la base, c'est nous deux, solide le mood. On est ce genre de couple, évidemment. J'suis ton genre de bouc, avec un passé doute. J'ai changé de route, fini la vie d'avant. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. Que nous deux dans le monde. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. J'veux te déclarer ma flemme, mais sur moi j'ai pas de briquet. Demander ta main dans une mer agitée. J't'ai repéré dans la foule, t'as pris mon cœur en loose. Cupidon a pris la cala, j'peux pas me faire abdiquer. La rue m'a laissé des balles, tout ça pour des pesos. Carré, je suis pas comme les autres. Ils ont voulu charcler mon corazon pour verser plata. Mais de la richesse, c'est nous les autres. Je connais plus personne, solo dans mon histoire. On dit que j'ai un jazz, que j'ai charisme à la royale. Rabat à mon inspi, déborde depuis petit peu. Je regarde plus le passé, la jalousie est banale. À la base, c'est nous deux, solide et le mood. On est ce genre de couple, évidemment. Je suis ton genre de bouc, avec un passé doute. J'ai changé de route, fini la vie d'avant. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. Que nous deux dans le monde. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. Toi et moi dans le champ, mon corazon pour faire ses plata. Mais de la richesse, c'est nous les autres. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé. Ils ont voulu charcler mon corazon pour faire ses plata. Mais de la richesse, c'est nous les autres. Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé.